la radiodiffusion française présente en transmission différée la diffusion du spectacle de la Comédie française à Paris, salle Luxembourg. Vous allez entendre Lucrèce Borgia, drame en trois actes et cinq tableaux de Victor Hugo, orchestre et chœur sous la direction d'André Cadou, avec le concours de Mademoiselle Moisan de l'Opéra Comique. La présentation est assurée par M. Edmond C., à qui nous cédons le micro. Lucrèce Borgia marque une date importante dans la vie et la carrière dramatique de Victor Hugo, puisque pour la première fois, le glorieux poète livrait au public un drame en prose, alors que ses précédentes pièces étaient en vers. C'était donc une innovation véritable et un risque assez dangereux à courir. Et même, qui sait, une bataille à livrer d'une autre sorte que celle d'Hernani, représentée trois années auparavant, mais qui ne laissait pas d'inquiéter quelque peu ses amis, surtout au lendemain du roi Samuel, dont l'échec suivi d'une interdiction avait mis le poète en mauvaise posture auprès des directeurs, devenu méfiant à son égard. L'un d'eux pourtant, à Rennes, il présidait aux destinées du théâtre de la Porte Saint-Martin, plus courageux, plus clairvoyant que ses confrères, surgit un matin au domicile de Victor Hugo et, après lui avoir fait part de la surprise heureuse que lui avait causée la lecture du roi Samuel récemment publiée, l'adjura lui donna le souper à Ferrare. Ainsi s'intitula tout d'abord Lucrèce Borgia, dont les principaux rôles seraient confiés à Frédéric Lemaître et à Mademoiselle Georges, les deux glorieux chefs de file de sa troupe. Cédant aux chaleureuses instances du directeur, Hugo consentit à lui lire son drame. Et la lecture eut lieu 24 heures plus tard chez Mademoiselle Georges. Et le souper Ferrare, baptisé dans le commun accord Lucrèce Borgia, fut reçu d'enthousiasme et distribué aussitôt. Frédéric Lemaître, ayant dû à choisir entre le rôle d'Alphonse d'Este et celui de le Généraux, adopta ce dernier comme étant le plus difficile, le plus dangereux à certains égards, et témoignant ainsi d'une émouvante probité artistique. Les répétitions se déroulèrent dans une atmosphère d'heureuse confiance, de fervent espoir en la réussite de l'œuvre, un espoir qui alla croissant le jour en jour, surtout lorsqu'à la requête d'Harel, l'auteur consentit à ce qu'une musique de scène soulignant les entrées et sorties des personnages, les passages les plus pathétiques de l'œuvre, intervint à l'occasion comme il était d'usage dans un théâtre de mélodrame. Mais Lucrèce Borgia n'en était-il pas un de qualité supérieure, il est vrai. On compte même à ce propos que deux illustres compositeurs, Meyerbeer et Berlioz, s'étant offerts pour écrire cette musique de scène, furent respectueusement écartés car on craignait que leur orchestration trop savante détournât l'attention des spectateurs au détriment de la pièce. Et comme le disait pittoresquement Harel, ce que l'on souhaitait, c'était une mélodie qui fût à plat ventre sous les paroles. On en confia donc l'exécution au chef d'orchestre du théâtre, nommé Piccini, qui s'acquitta à merveille de sa tâche. Mais l'on se mit en devoir de peindre et d'agencer des décors auxquels Hugo, en personne, mit la main, car celui du dernier acte, l'acte fameux du souper tragique, évoquait fâcheusement, paraît-il, lorsqu'on le présenta pour la première fois, l'image d'une salle de restaurant à la mode avec ses buvets, ses tables, ses candélabres et ses pyramides de fruits. Quoi qu'il en soit, Lucrèce Borgia fut l'un des plus éclatants, les plus fulgurants, les plus triomphants succès qu'ait jamais connu le théâtre de la Porte Saint-Martin, son directeur, les interprètes et le poète lui-même. Pris, conquis, empoigné, comme l'on dit, le public acclama frénétiquement chaque scène, chaque acte, du début à la fin. Et les spectateurs, regagnant leur place au début du dernier acte, déjà commencé, exigèrent qu'on leur commençât à nouveau, pour eux, ne voulant pas perdre une réplique. Lorsque le rideau tomba, une foule délirante réclama l'auteur, se pendit au basque de l'habit d'Harel, le directeur, le déchira presque parce que celui-ci ne parvenait pas à traîner Victor Hugo sur la scène. Je donne ma pensée, mais non, ma personne au public, prostrait-il avec superbe. Il n'en fut pas moins saisi et happé lui-même à la sortie avec sa famille par les spectateurs qui dételèrent les chevaux de son fiacre, voulurent le porter en triomphe et des mains desquelles il n'échappa qu'à grand-peine, mais escorté par eux jusqu'à la place royale. Et quelques jours plus tard, l'après-midi du Mardi Gras, des masques représentant les principaux personnages du drame passèrent tout au long des boulevards, s'arrêtèrent sous le balcon de Mlle Georges en vociférant « Vive l'empoisonneuse, bravo, hurrah !» Du coup, les recettes grimpèrent de soir en soir et dans des proportions inaccoutumées à cette époque. Ce qui valut au poète de recevoir le billet suivant d'Arel. Le plus grand succès d'argent obtenu sous mon administration, monsieur, est celui de Lucrèce Borgia. Les recettes des 30 premières représentations présentent un total de 84 700 francs, c'est-à-dire plus de 2500 francs par soirée. 2500 francs. Heureuse époque. Aucun autre ouvrage, ajoutait-il, dans le cours d'une exploitation de plus de 8 années, n'a égalé ou même approché ce chiffre de bien loin. J'ai l'honneur, monsieur, d'être avec une haute considération votre humble serviteur. Cela n'empêcha point en reste l'humble serviteur du poète de se brouiller avec lui quelque temps après et de le menacer même d'obtenir une satisfaction par les armes en lui envoyant deux témoins pour le fait qu'il avait refusé de lui donner sa nouvelle pièce soi-disant promise. Mais les choses finirent par s'arranger, comme elles s'arrangent toujours au théâtre, et encore que Lucrèce Borgia a été véhémentement attaqué par certains journaux défenseurs du classicisme et adversaires du romantisme, singulièrement par Armand Carrel dans le National, que la pièce eut même été sifflée certains soirs. On siffle, disait le poète, c'est donc la pièce et bien de moi. Elle n'en fournit pas moins une triomphale et une foutreuse carrière, conférant à Victor Hugo, écrivain de théâtre, une renommée et même une gloire populaire qu'il n'avait point connue encore et qu'il ne devait connaître que bien des années après, au lendemain de la publication des Misérables. Nous sommes sur une terrasse du palais Barbarigo à Venise. C'est une fête de nuit. Des masques traversent par instants des deux côtés de la terrasse le palais splendidement illuminé et la terrasse couverte d'ombre et de verdure. Au fond, Venise au clair de lune. Nous vivons dans une époque où les gens accomplissent tant d'actions horribles qu'on ne parle plus de celle-là. Mais certes, il n'y a eu jamais événement plus sinistre et plus mystérieux. Une chose ténébreuse faite par des hommes ténébreux. Moi, je sais les faits, messeigneurs. Le cas de mon cousin éminentissime, le cardinal Carriale, qui était mieux informé que personne. Vous savez, le cardinal Carriale qui eut cette fière dispute avec le cardinal Riario au sujet de la guerre contre Charles VIII de France. Voilà Geppo qui va nous conter des histoires. Pour ma part, je n'écoute pas, je suis déjà bien assez fatigué sans cela. Ces choses-là t'intéressent pas, Gennaro. Tu es un brave capitaine d'aventure, tu portes un nom de fantaisie. Tu ne connais ni ton père ni ta mère. On ne doute pas que tu ne sois gentilhomme à la façon dont tu tiens une épée, mais tout ce qu'on sait de ta noblesse, c'est que tu te bats comme un lion. Sur mon âme, nous sommes compagnons d'armes, et ce que je dis n'est pas pour t'offenser. Tu m'as sauvé la vie à Rimini, je t'ai sauvé la vie au pont de Vicence. Nous nous sommes jurés de nous aider en péril comme en amour, de nous venger l'un l'autre quand besoin serait, de n'avoir pour ennemi moi que les tiens, toi que les miens. Nous ne sommes pas amis, nous sommes frères. Mais enfin, tu as le bonheur de t'appeler simplement Gennaro et de ne tenir à personne. Nous, vois-tu, c'est différent. Nous avons droit de prendre intérêt aux catastrophes de notre temps. Nos pères et nos mères ont été mêlés à ces tragédies et presque toutes nos familles saignent encore. Dis-nous ce que tu sais, Geppo. Vous me réveillerez quand Geppo aura fini. C'est en 1497. C'est juste. 97. Dans une certaine nuit d'un mercredi à un jeudi. Non ! D'un mardi à un mercredi. Vous avez raison. Cette nuit, dont un batelier du Tibre, qui s'était couché dans son bateau le long du bord pour garder ses marchandises, vit quelque chose d'effrayant. C'était un peu au-dessus de l'église Santo Hieronimo, où il pouvait être 5 heures après minuit. Le batelier vit venir dans l'obscurité par le chemin tout à gauche de l'église. Deux hommes qui allaient à pied de ça, de là, comme inquiets. Après quoi, il en parut deux autres. Et enfin trois, en tout sept. Un seul était à cheval. Il faisait nuit assez noire. Dans toutes les maisons qui regardent le Tibre, il n'y avait plus qu'une seule fenêtre éclairée. Les sept hommes s'approchèrent du bord de l'eau. Celui qui était monté tourna la croupe de son cheval du côté du Tibre. Et alors, le batelier vit distinctement sur cette croupe des jambes qui pendaient d'un côté, une tête et des bras de l'autre. Le cadavre d'un homme. Pendant que leurs camarades guettaient les angles des rues, deux de ceux qui étaient à pied prirent le corps mort, le balancèrent deux ou trois fois avec force et le lancèrent au milieu du Tibre. Au moment où le cadavre frappa l'eau, celui qui était à cheval fit une question à laquelle les deux autres répondirent « Oui, monseigneur ». Alors le cavalier se retourna du côté du Tibre et vit quelque chose de noir qui flottait sur l'eau. Il demanda ce que c'était, on lui répondit « Monseigneur, c'est le manteau de Monseigneur qui est mort ». Quelqu'un de la troupe jeta des pierres à ce manteau, ce qu'il fit enfoncer. Ceci fait, ils s'en allèrent tous de compagnie et prirent le chemin qui mène à Saint-Jacques. Voilà ce que vit ce batelier. Une lugubre aventure. Était-ce quelqu'un de considérable que ces hommes jetaient ainsi à l'eau? Ce cheval me fait un effet étrange. L'assassin en selle et le mort en croupe. Et sur ce cheval, il y avait les deux frères. Vous l'avez dit, monsieur de Belverana. Le cadavre, c'était Jean Borgia. Le cavalier, c'était César Borgia. Une famille de démons que ces Borgia. Et dites, Geppo, pourquoi le frère tuait-il ainsi le frère? Oh, je ne vous le dirai pas, la cause du meurtre est tellement abominable que ce doit être un péché mortel d'en parler seulement. Je vous le dirai, moi. César, cardinal de Valence, a tué Jean, duc de Gandie, parce que les deux frères aimaient la même femme. Et qui était cette femme? Leur sœur. Assez, monsieur de Belverana. Ne prononcez pas devant nous le nom de cette femme monstrueuse. Il n'est pas une de nos familles à laquelle elle n'ait fait quelque plaie profonde. N'y avait-il pas aussi un enfant mêlé à tout cela? Oui, un enfant dont je ne veux nommer que le père, qui était Jean Borgia. Cet enfant serait un homme maintenant. Et il a disparu. Est-ce César Borgia qui a réussi à le soustraire à la mère? Est-ce la mère qui a réussi à le soustraire à César Borgia? On ne sait. Si c'est la mère qui cache son fils, elle fait bien. Depuis que César Borgia, cardinal de Valence, est devenu duc de Valentinois, il a fait mourir sans compter son frère Jean, ses deux neveux, les fils de Guifri Borgia, prince de Squillaci, et son cousin, le cardinal François Borgia. Cet homme a la rage de tuer ses parents. Mais par Dieu, il veut être le seul Borgia et avoir tous les biens du pape. Et la sœur que vous ne voulez pas nommer, Geppo, ne fit-elle pas à la même époque une cavalcade secrète au monastère de Saint-Sixte pour s'y renfermer sans qu'on sût pourquoi? Je crois que oui. C'était pour se séparer du seigneur Jean Sforza, son deuxième mari. Et comment se nommait ce batelier qui a tout vu? Ah, je ne sais pas. Il se nommait Giorgio Scavone et avait pour industrie de mener du bois par le Tibre à Ripetta. Voilà un Espagnol qui en sait plus long sur nos affaires que nous autres Romains. Je me méfie comme toi de ce monsieur de Belverana, mais ne voyons pas tout ceci, il y a peut-être une chose dangereuse là-dessous. Ah, messieurs, dans quel temps sommes-nous? Connaissez-vous une créature humaine qui soit sûre de vivre quelques lendemains dans cette pauvre Italie? Avec les guerres, les pestes et les Borgia qu'il y a. Ah ça, messieurs, je crois que tout ce temps que nous sommes, nous devons faire partie de l'ambassade que la République de Venise envoie au duc de Ferrare pour le féliciter d'avoir repris Rimini sur les Malatesta. Quand partons-nous pour Ferrare? Et décidément après-demain, vous savez que les deux ambassadeurs sont nommés. C'est le sénateur Tiopolo et le général des galères Grimaldi. Et le capitaine Gennaro sera-t-il des nôtres? Mais sans doute, Gennaro et moi ne nous séparons jamais. J'ai une observation importante à vous soumettre, messieurs. C'est pourquoi le vin d'Espagne, sans nous, rentrons au palais. Hé, Gennaro! Mais c'est qu'il s'est réellement endormi pendant votre histoire, Geppo. Il dort. Monseigneur rentre dans le palais. Gennaro est toujours étendu sur un banc. Brassier Bulanqué. Il se disait cela tout bas. Brassier Bulanqué. Mais Donia Lucrezia en sait plus que moi. Monsieur de Valentinois en sait plus que Donia Lucrezia. Le diable en sait plus que monsieur de Valentinois. Et le pape Alexandre VI. On sait plus que le diable. Comme cela dort, ces jeunes gens. Une femme richement vêtue apparaît dans le fond. Elle s'approche doucement de Gennaro, toujours endormi. Il dort. Cette fête l'aura sans doute fatigué. Qu'il est beau. Gubetta. Parlez-moi haut, madame. Je ne m'appelle pas ici Gubetta, mais le comte de Valverana, gentilhomme castigan. Vous, vous êtes madame la marquise de Ponte Quadrato, dame napolitaine. Nous ne devons pas avoir l'air de nous connaître. Ne sont-ce pas là les ordres de votre Altesse? Vous n'êtes pas chez vous ici, madame. Vous êtes à Venise. C'est juste. Mais il n'y a personne. Nous pouvons causer un instant. Comme il plaira, votre Altesse, j'ai encore un conseil à vous donner. C'est de ne point vous démasquer. On pourrait vous reconnaître. Et que m'importe. S'ils ne savent pas qui je suis, je n'ai rien à craindre. S'ils savent qui je suis, c'est à eux d'avoir peur. Nous sommes à Venise, madame. Vous avez bien des ennemis ici, des ennemis libres. Sans doute la République de Venise ne souffrirait pas qu'on nous ait attenté à la personne de votre Altesse, mais on pourrait vous insulter. Ah, tu as raison. Mon nom fait horreur, en effet. Il n'y a pas ici que des Vénitiens, il y a des Romains, des Napolitains, des Romagnols, des Lombards, des Italiens de toute l'Italie. Et toute l'Italie me hait. Il faut pourtant que cela change. Je n'étais pas amenée pour faire le mal, je le sens à présent plus que jamais. Gubetta. Madame. Fais porter sur le champ les ordres que je vais te donner. Ordonné, madame, j'ai toujours 4 mules scellées et 4 coureurs tout prêts à partir. Qu'a-t-on fait de Galeas à Caglioli? Il est toujours en prison en attendant que votre Altesse le fasse pendre. Et Guifri Bondelmonte? Au cachot, vous n'avez pas encore dit de le faire étrangler. Et Manfredi Curzola? Pas encore étranglé non plus. Et Spadacapa? D'après vos ordres, on ne doit lui donner le poison que le jour de Pâques. Dans l'Estie, où ça viendra dans 6 semaines. Nous sommes au carnaval. Et Pierre Capra? À l'heure qu'il est, il est encore évêque de Pesaro et régent de la chancellerie, mais avant un mois, il ne sera plus qu'un peu de poussière, car notre Saint-Père le Pape l'a fait arrêter sur votre plainte et le tient sous bonne garde dans les chambres basses du Vatican. Gubetta, écris en hâte au Saint-Père que je demande la grâce de Pierre Capra. Qu'on mette en liberté à Caglioli, Manfredi Curzola, en liberté Buondelmonte et Spadacapa. Oh, attendez, attendez, madame, laissez-moi respirer. Quels ordres me donnez-vous là? Oh, mon Dieu, il pleut des pardons, il grêle de la miséricorde. Je suis submergé dans la clémence. Je ne me tirerai jamais de ce déluge effroyable de bonnes actions. Bonne ou mauvaise, que t'importe pourvu que je te prête. C'est qu'une bonne action est bien plus difficile à faire qu'une mauvaise. Hélas, pauvre Gubetta que je suis, à présent que vous vous imaginez de devenir miséricordieuse, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Gubetta, tu es mon plus ancien et mon plus fidèle confident. Voilà 15 ans, en effet, que j'ai l'honneur d'être votre collaborateur. Eh bien, Gubetta, ne commences-tu pas à sentir le besoin de changer de vie? Tu n'as pas assez du crime. Je vois que vous êtes en train de devenir la plus vertueuse altesse qui soit. Notre commune renommée à tous deux, notre renommée infâme, ne commence-t-elle pas à te peser? Pas du tout. Quand je passe dans les rues de Spolète, j'entends bien quelquefois des manants qui fredonnent autour de moi. Monsieur Gubetta, Gubetta, Poison, Gubetta, Poignard, Gubetta, Gibet, car ils ont mis à mon nom une flamboyante aigrette de sobriquet. J'entends tout cela et quand les voix ne disent pas, ce sont les yeux qu'ils disent. Mais qu'est-ce que ça me fait? Je suis habitué à ma mauvaise réputation comme un soldat du pape à servir la messe. Mais ne sens-tu pas qu'elle peut éveiller le mépris et la haine dans un cœur où tu voudrais être aimé? Tu n'aimes donc personne au monde, Gubetta? Je voudrais bien savoir qui vous aimez, madame. Qu'en sais-tu? Bon. Je ne te parlerai ni de mon père, ni de mon frère, ni de mon mari, ni de mes amants. C'est que je ne fais guère autre chose qu'on puisse aimer. Il y a encore autre chose, Gubetta. Est-ce que vous vous faites vertueuse pour l'amour de Dieu? Gubetta, Gubetta, s'il y avait ici un cœur noble et pur, un cœur plein de haute et de mâle vertu, s'il ne me restait à moi méprisée, abhorrée, maudite des hommes, misérable, toute puissante que je suis, s'il ne me restait qu'une espérance, une ressource, celle de mériter d'obtenir une petite place, Gubetta, dans ce cœur si fier et si pur. Comprendrais-tu alors pourquoi j'ai hâte de racheter mon passé? Mon Dieu, madame, mais sur quelle ermite avez-vous marché aujourd'hui? Ne ris pas. Il y a longtemps que je pense à ça sans le dire. Entraîné par le crime, on ne s'arrête pas quand on veut. Savez-vous, madame, que je ne vous comprends plus et que depuis quelque temps, vous êtes devenue indéchiffrable pour moi. Il y a un mois, votre Altesse annonce qu'elle part pour Spolette. Prend congé de Don Alphonse d'Este, votre mari, qui a du reste la bonhomie d'être amoureux de vous comme un tourtereau et jaloux comme un tigre. Votre Altesse Don quitte Ferrare et s'en vient secrètement à Venise, presque sans suite, affublé d'un faux nom napolitain, moi d'un faux nom espagnol. Arrivé à Venise, votre Altesse se sépare de moi, m'ordonne de ne plus la connaître, et puis vous vous mettez à courir les fêtes, les musiques, les tertuliales espagnoles, profitant du carnaval pour aller partout masqué, caché à tous, déguisé, me parlant à peine entre deux portes chaque soir, et voilà que toute cette mascarade se termine par un serment que vous me faites. Un serment de vous à moi, madame, cela n'est-il pas véhément et prodigieux? Vous avez métamorphosé votre nom, vous avez métamorphosé votre habit, à présent vous métamorphosez votre âme. Mon honneur s'est poussé furieusement loin le carnaval, je m'y perds. Où est la cause de cette conduite de la part de votre Altesse? Vois-tu ce jeune homme? Ce jeune homme n'est pas nouveau pour moi. C'est bien que c'est après lui que vous courez sous votre masque depuis que vous êtes à Venise. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que c'est un jeune homme qui dort couché sur un banc et qui dormirait debout s'il avait été entier dans la conversation morale et édifiante que je viens d'avoir avec votre Altesse. Tu ne le trouves pas bien beau? Il serait plus beau s'il n'avait pas les yeux fermés. Un visage sans yeux, c'est un palais sans fenêtre. Si tu savais comme je l'aime. C'est l'affaire de Don Alphonse d'Este, votre royal mari, mais je dois avertir votre Altesse qu'elle perd ses peines. Ce jeune homme, à ce qu'on m'a dit, aime d'amour une belle jeune fille, nommée Fiametta. Et elle l'aime-t-elle? Dites oui. Tant mieux. Je voudrais tant le savoir heureux. Voilà qui est singulier et n'est guère dans vos façons. Je vous croyais plus jalouse. Quelle noble figure. Je trouve qu'il ressemble. Ne me dis pas qu'il ressemble. Laisse-moi. Gubetta s'éloigne. Se retourne plusieurs fois. Enfin. Je puis le voir un instant sans péril. Oh mon Dieu, épargnez-moi l'horreur d'être jamais haïe et méprisée de lui. Vous savez qu'il est tout ce que j'aime sous le ciel. Cela suffit. Je puis retourner à Ferrare. Je n'étais venu à Venise de la part de Monseigneur que pour m'assurer de son infidélité. J'en ai assez vu. Ce jeune homme est son amant. Comment le nomme-t-on, Rustighello? Il s'appelle Gennaro. C'est un capitaine aventurier, un brave, sans père ni mère. Il est en ce moment au service de la République de Venise. Fais en sorte qu'il vienne à Ferrare. Cela se fera de soi-même. Il part après-demain avec plusieurs de ses amis pour Ferrare, qui font partie de l'ambassade des sénateurs Tiopolo et Grimani. C'est bien. Pouvons partir. Oh mon Dieu, qu'il y ait autant de bonheur pour lui qu'il y a eu de malheur pour moi. Un baiser. Une femme. Sur mon honneur, madame, si vous étiez réelle et si j'étais poète, ce serait véritablement l'aventure de messire Alain Chartier, le rimeur français. Mais j'ignore qui vous êtes et moi, je ne suis qu'un soldat. Laissez-moi, seigneur Gennaro. Non pas, madame. Voici quelqu'un. Ah, c'est bien elle. Cette femme à Venise. Hé, hey, Mafio! Yes? Je te dis une rencontre inouïe. Je viens de surprendre ici Gennaro avec Lucrèce Borgia. On est sûr? Comme je suis sûr que nous sommes ici dans le palais Barbarigo et non dans le palais Lavia. Elle était en conversation galante avec Gennaro? Avec Gennaro. Il faut tirer mon frère Gennaro de cette toile d'araignée. Viens avertir nos amis. C'est maintenant désir, je puis me démasquer ici. Je veux que vous voyez mon visage, Gennaro. C'est déjà belle. Regarde-moi bien, Gennaro, et dis-moi que je ne te fais pas horreur. Vous me faire horreur, madame, et pourquoi? Bien au contraire, je me sens au fond du cœur quelque chose qui m'attire vers vous. Tu crois que tu pourrais m'aimer, Gennaro? Pourquoi non? Pourtant, madame, je suis sincère. Il y aura toujours une femme que j'aimerai plus que vous. Je sais. La petite fille Ametta. Non. Je ne sais pourquoi je me confie à vous. Je vais vous dire un secret que je n'ai encore dit à personne. Pas même à mon frère Var. Pas même à Mafio Orsini. Je suis un capitaine qui ne connaît pas sa famille. J'ai été élevé en Calabre par un pêcheur dont je me croyais le fils. Le jour où j'eus 16 ans, ce pêcheur m'apprit qu'il n'était pas mon père. Quelque temps après, un seigneur vint qui m'arma chevalier et qui repartit sans avoir levé la visière de son morion. Quelque temps après encore, un homme, vêtu de noir, vint m'apporter une lettre. Je l'ouvris. C'était ma mère qui m'écrivait. Ma mère que je ne connaissais pas, que je rêvais bonne, douce, tendre, belle, comme vous. Ma mère que j'adorais de toutes les forces de mon âme. Cette lettre m'apprit sans me dire aucun nom que j'étais noble et de grande race, et que ma mère était bien malheureuse. Pauvre mère. Depuis ce jour-là, je me suis fait aventurier. Parce qu'étant quelque chose par ma naissance, j'ai voulu être aussi quelque chose par mon épée. J'ai couru toute l'Italie. Mais le premier jour de chaque mois, en quelque lieu que je sois, je vois toujours revenir le même messager. Il m'apporte une lettre de ma mère, prend ma réponse et s'en va. Tu ne sais rien de ta famille. Je sais que j'ai une mère, qu'elle est malheureuse. Que je donnerais ma vie dans ce monde pour la voir pleurer, et ma vie dans l'autre pour la voir sourire. Voilà tout. Que fais-tu de ces lettres ? Je les ai toutes là. Nous autres gens de guerre, nous risquons souvent nos poitrines à l'encontre des épées. Les lettres d'une mère, c'est une bonne cuirasse. Tenez, vous voulez voir son écriture ? Voici une de ces lettres. Lisez cela. Ne cherche pas à me connaître, mon Gennaro, avant le jour que je te marquerai. Je suis bien à plaindre, va. Je suis entourée de parents sans pitié qui te tueraient comme ils ont tué ton père. Le secret de ta naissance, mon enfant, je suis seule à le savoir. Si tu le savais, toi, tu ne pourrais pas te taire, tu parlerais, et tu ne vivrais pas deux jours. Oh non, contente-toi de savoir que tu as une mère qui t'adore et qui veille nuit et jour sur ta vie. Mon Gennaro, mon fils, tu es tout ce que j'aime sur la terre. Mon cœur se fend quand je songe à toi. Quand vous lisez cela tendrement, on ne dirait pas que vous lisez, mais que vous parlez. Oh, vous pleurez. Vous êtes bonne, madame. Et je vous aime de pleurer de ce qu'écrit ma mère. Oui, vous voyez, il y a eu bien des crimes autour de mon berceau. N'est-ce pas que vous comprenez maintenant que je m'arrête peu aux galanteries et aux amourettes? Parce que je n'ai qu'une pensée au cœur. Ma mère. La délivrer, la servir, la venger, la consoler. Quel bonheur! Je penserai à l'amour après. Tout ce que je fais, je le fais pour être digne d'elle. Je ne sers que des causes justes. Je veux pouvoir déposer un jour à ses pieds une épée nette et loyale. Tenez, madame, on m'a offert un gros enrôlement au service de cette infâme Lucrèce Borgia. J'ai refusé. Gennaro! Gennaro! Ayez pitié des méchants. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Je n'ai pas pitié de qui est sans pitié. Mais laissons cela, madame. Et maintenant que je vous ai dit qui je suis, faites de même. Et dites-moi à votre tour qui vous aime. Une femme qui vous aime, Gennaro. Mais votre nom? Ne m'en demandez pas plus. Gennaro! Vous devez savoir quelle est la femme à qui tu parles d'amour. Vous êtes tous mes amis, et je jure Dieu que celui qui touchera aux marques de cette femme sera bien hardi. Il faut d'abord que la femme soit une femme, Gennaro. Mais nous ne voulons pas insulter celle-là. Nous voulons seulement lui dire nos noms. Madame, je suis Mafio Orsini, frère du duc de Gravina, que vos sbires ont étranglé la nuit pendant qu'elle dormait. Madame, je suis Geppo Liberetto, neveu de Liberetto Vitelli, que vous avez fait poignarder dans les caves du Vatican. Madame, je suis Ascanio Petrucci, cousin de Pandolfo Petrucci, que vous avez fait assassiner pour lui voler sa ville. Madame, je m'appelle Oloferno Vitellozzo, neveu d'Appiani, que vous avez empoisonné dans une fête. Madame, vous avez mis à mort sur l'échafaud Don Francesco Gazella et Don Alphonse d'Aragon. Je suis Don Apostolo Gazella, cousin de l'un et fils de l'autre. Oh, Dieu. Mais quelle est cette femme? Maintenant que nous vous avons dit nos noms, voulez-vous que nous vous disions le vôtre? Non, pas devant lui! Ôtez votre masque, qu'on voit si vous pouvez encore rougir! Gennaro, cette femme à qui tu parlais d'amour est empoisonneuse et adultère! Inceste à tous les degrés! Inceste avec ses deux frères qui se sont entretués pour l'amour d'elle! Inceste avec son père qui est pape! Inceste avec ses enfants si elle en avait, mais qu'elle en refuse! Veux-tu savoir son nom, Gennaro? Non, pas devant lui, pas devant lui! Gennaro, veux-tu savoir son nom? N'écoute pas, Gennaro! N'écoute pas! C'est Lucrèce Borgia! Tableau du premier acte de Lucrèce Borgia, drame en trois actes et cinq tableaux de Victor Hugo. Voici maintenant le second tableau du premier acte. Une place de Ferrare. À droite, un palais avec un balcon garni de jalousies et une porte basse. Sous le balcon, un grand écusson de pierre chargé d'armoiries avec ce mot en grosses lettres saillantes de cuivre doré, au-dessous Borgia. À gauche, une petite maison avec porte sur la place. Au fond, des maisons et des clochers. Tout est-il prêt pour ce soir, Gubetta? Oui, madame. Y seront-ils tous les cinq? Tous les cinq. Ils m'ont bien cruellement outragé, Gubetta. Je n'étais pas là, moi. Ils furent sans pitié. Ils vous ont dit votre nom tout haut, comme cela? Ils ne m'ont pas dit mon nom, Gubetta. Ils me l'ont craché au visage. En plein bal? Devant Gennaro. Ce sont de fiers étourdis d'avoir quitté Venise et d'être venus à Ferrare. Oh, ils me haient. Et me méprisent. Et c'est leur faute. Ah, je me vengerai d'eux, Gubetta. Ah, la bonne heure, voilà parler, vos fantaisies de miséricorde vous ont quitté, Dieu soit loué. Je suis bien plus à mon aise avec votre Altesse quand elle est naturelle, comme la voilà. Voyez-vous, madame, un lac, c'est le contraire d'une île, un aqueduc, c'est le contraire d'un pont, et moi, j'ai l'honneur d'être le contraire d'un personnage vertueux. Gennaro est avec eux, qu'il ne lui arrive rien, surtout. Non, soyez tranquille, non. Si nous devenions, vous, une bonne femme, moi, un bonhomme, ce serait monstrueux. Non, soyez tranquille. Je voudrais bien le revoir, Gubetta. Et vive Dieu, madame, votre Altesse le voit tous les jours. Vous avez gagné son valet pour qu'il détermine à son maître à prendre logis dans cette bicoque vis-à-vis votre balcon. Et de votre fenêtre grillée, vous avez tous les jours l'ineffable bonheur de voir entrer et sortir le susdit gentilhomme. Mais je voudrais lui parler. Rien de plus simple. Envoyez-lui dire par votre porte-chape, Astolfo, que votre Altesse l'attend aujourd'hui à telle heure au palais. Je le ferai. Et voudra-t-il venir? Je crois qu'il va passer sur cette place tout à l'heure, avec les étourneaux en question. Te prennent-ils toujours pour le comte de Belverana? Oh, ils me croient espagnol depuis le talon jusqu'au sourcil. Je suis un de leurs meilleurs amis, je leur emprunte de l'argent. De l'argent? Mais pourquoi faire? Ben, mon Dieu, madame, pour en avoir. Oui, voyez-vous, Il n'y a rien qui soit plus sympathique que d'avoir l'air gueux et de tirer le diable par la queue. Et à ce propos, il me vient une réflexion. Laquelle ? C'est qu'il faut que la queue du diable lui soit soudée, chevillée, vissée à l'échine d'une manière bien triomphante pour qu'elle résiste à l'innombrable multitude de gens qui la tirent perpétuellement. Tu ris toujours, Gobetta. Oh, c'est une manière comme une autre. Songe à tout. Qu'est-ce que c'est que ce Gennaro ? Et que diable en veut-elle faire ? Je ne connais pas tous les secrets de la dame, il s'en faut, mais celui-ci pique ma curiosité. Ma foi, elle n'a pas eu de confiance en moi cette fois, il ne faut pas qu'elle s'imagine que je vais la servir dans cette occasion. Elle se tirera de l'intrigue avec le Gennaro. Oh, mais elle pourra. Mais quelle étrange manière d'aimer un homme quand on est fille de Roderigo Borgia et de la Vanozza. Quand on est une femme qui est dans les veines du sang de courtisane et du sang de pape. Madame Lucrèce devient platonique. Je ne m'étonnerai plus de rien maintenant. Quand même on viendrait me dire que le pape Alexandre VI croit en Dieu. Allons, nos jeunes fous du carnaval de Venise ont eu une belle idée de quitter une terre neutre et libre et de venir à Ferrare. Après avoir mortellement offensé la duchesse de Ferrare, à leur place, je me serais certes abstenu de faire partie de la cavalcade des ambassadeurs vénitiens, mais les jeunes gens sont ainsi faits. La gueule du loup et de toutes les choses sublunaires, c'est lui qui se précipite le plus volontiers. Gubetta est sorti. Entre deux seigneurs. Que diable fais-tu là, Rustighello ? J'attends que tu t'en ailles, Astolfo. En vérité. Et toi, que fais-tu là, Astolfo ? J'attends que tu t'en ailles, Rustighello. À qui donc as-tu affaire ? À l'homme qui vient d'entrer là. Et toi, à qui en veux-tu ? Au même. Diable ! Qu'est-ce que tu en veux faire ? Le mener chez la duchesse ? Et toi ? Je veux le mener chez le duc. Diable ! Qu'est-ce qu'il attend chez la duchesse ? L'amour, sans doute. Et chez le duc ? Probablement la potence. Comment faire ? Il ne peut pas être à la fois chez le duc et chez la duchesse. Amant heureux et pendu. Voici un ducat. Jouons à croix ou pile, à qui de nous deux aura l'homme ? C'est dit. Ma foi, si je perds, je dirai tout bonnement au duc que j'ai trouvé l'oiseau déniché. Cela m'est bien égal, les affaires du duc. Pile ! C'est croix. L'homme sera pendu, prends-le. Adieu. Bonsoir. Vous direz ce que vous voudrez, messieurs. On peut se dispenser de venir à Ferrare quand on a blessé au cœur Madame Lucrèce Borgia. Que pouvions-nous faire ? Le Sénat nous envoie ici. Y a-t-il un moyen d'éluder les ordres du sérénissime Sénat de Venise ? Une fois désigné, il fallait partir. Je ne me dissimule pourtant point, mafio, que la Lucrezia Borgia est en effet une redoutable ennemie et elle est la maîtresse ici. Mais que veux-tu qu'elle nous fasse, Apostolo ? Nous sommes-nous pas au service de la République de Venise ? Ne faisons-nous pas partie de son ambassade ? Oui. Toucher à un cheveu de notre tête, ce serait déclarer la guerre aux doges, et Ferrare ne se frotte pas volontiers à Venise. Oui. On peut te coucher tout ton long dans le sépulcre, Gepo, sans toucher un cheveu de ta tête. Il y a des poisons qui font les affaires des Borgia sans éclat et sans bruit, et beaucoup mieux que la hache et le poignard. Rappelle-toi la manière dont Alexandre VI a fait disparaître du monde le sultan Djinn, frère de Bajazet. Et tant d'autres. Quant à l'histoire du frère de Bajazet, elle est fort curieuse et n'est pas des moins sinistres. Le pape lui persuada que Charles de France l'avait empoisonné le jour où ils firent collation ensemble. Djinn crut tout et reçu des belles mains de Lucrèce Borgia un soi-disant contrepoison qui en 2 heures délivra de lui son frère Bajazet. Il paraît que ce brave Turc n'entendait rien à la politique. Oui, messieurs, et les Borgia ont des poisons qui tuent en un jour, en un mois, en un an, à leur gré. Ce sont d'infâmes poisons qui rendent le vin meilleur et font vider le flacon avec plus de plaisir. Vous vous croyez ivre, vous êtes mort. Ou bien un homme tombe tout à coup en langueur. Il ne marche plus, il se traîne, il ne respire plus, il râle. Il ne rit plus, il ne dort plus, il grelotte au soleil en plein midi. Il agonise ainsi quelque temps. Enfin, il meurt. Il meurt et alors on se souvient qu'il y a 6 mois ou 1 an, il a bu un verre de vin de Chypre chez un Borgia. Tenez, messeigneurs, voici justement Montefeltre, que vous connaissez peut-être, qui est de cette ville et à qui la chose arrive en ce moment. Regardez-le. Pauvre Montefeltre. Mais quel âge a-t-il ? Mon âge, 29 ans. Un homme à cheveux blancs. Il y a 3 mois, il a soupé chez notre saint Pierre le Pape dans sa vigne du Belvédère. C'est horrible ! Voyez, messieurs, comme cette place est déserte. Le peuple ne s'aventure pas si près que nous du palais ducal. Il a peur que les poisons qui s'y élaborent jour et nuit ne transpirent à travers les murs. Messieurs, les ambassadeurs ont accueilli leur audience du duc. Notre service est à peu près fini. La suite de l'ambassade se compose de 50 personnes. Être de disparition ne se verrait guère. Je crois que nous ferions sagement de quitter Ferrare. Aujourd'hui même. Messieurs, il sera temps demain. Je suis invité à souper ce soir chez la princesse Negroni, dont je suis fort éperdument amoureux. Et je ne voudrais pas avoir l'air de fuir devant la plus jolie femme de Ferrare. Tu es invité à souper ce soir chez la princesse Negroni? Oui, et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi, messieurs. Ah, voilà monsieur de Belvérane. Eh bien, nous irons tous ensemble. Ce sera une joyeuse soirée. Bonjour, monsieur de Belvérane. Dieu vous garde longues années, seigneur Gepo. Vous allez encore me trouver bien timide, Gepo. Mais si vous m'en croyez, nous n'irions pas à ce souper. Le palais Negroni touche au palais ducal et je n'ai pas grande croyance aux airs aimables de ce seigneur Belvérana. Oh, vous êtes fou, mafio. La Negroni est une femme charmante. Oh, oui. Je vous dis que j'en suis amoureux. Et ce Belvérana est un brave homme. Je me suis enquis de lui et des siens. Mon père était avec son père au siège de Grenade en l'an 1480 et... Oui, ça ne prouve pas que celui-ci soit le fils du compagnon d'armes de votre père. Vous êtes libre de ne pas venir souper, ma fille. J'irai si vous y allez. J'irai. Vive Jupiter, alors! Et toi, Gennaro, est-ce que vous n'êtes pas des nôtres ce soir? Est-ce que la Negroni ne t'a pas invité? Non, la princesse m'aura trouvé trop médiocre gentilhomme. Tu viendras, je te présenterai. Tu n'es pas très sûr de la princesse Negroni. Mais c'est une femme charmante et de belle humeur qui aime les verres et la musique, voilà tout, que diable. Mais il faut cependant raisonner un peu et ne rien exagérer. Mais tu sais que je suis prudent, moi, et de bons conseils. Ah, ce n'est pas une raison, parce qu'il y a 3 ou 4 soupers fameux. Les Borgia ont empoisonné avec d'excellents vins quelques-uns de leurs meilleurs amis pour ne plus souper du tout, voire toujours du poison dans l'estimable vin de Syracuse. Et derrière toutes les belles princesses de l'Italie, Lucrèce Borgia. Spectacle baliverne que tout ça. À ce compte, il n'y aurait que les enfants à la mamelle qui pourraient souper sans inquiétude et qui seraient sûrs de ce qu'ils boivent. Hop, par Hercule, Gennaro, sois enfant ou sois homme, retourne te mettre en nourrice, ou viens souper. D'ailleurs, s'il y a du danger, je ne dois pas laisser tout seul à ce banquet, toi, Mathieu, mon frère d'armes, que je fais serment de ne jamais quitter. C'est dit, tu me présenteras à la princesse Negroni, j'irai avec toi. Vrai Dieu, voilà un ami. Il paraît que Lucrèce Borgia est folle de toi. Ah, ouais. Elle a dit en Irlande, la liberté du bal était une bonne fortune pour elle. Les femmes ne déguisent leur personne que pour déshabiller plus hardiment leur âme. Visage masqué, cœur à nu. Oh, tu es venu te loger précisément en face de son balcon, Gennaro. C'est Gennaro. Sans compter que ce n'est pas sans danger, mon camarade, car on dit ce digne duc de Ferrare, fort jaloux de madame sa femme. Alors, Gennaro, dis-nous où tu en es de ton amourette avec la Lucrèce Borgia. Mais seigneur, si vous me parlez encore de cette horrible femme, il y aura des épées qui relieront ton soleil. C'est par pure plaisanterie, Gennaro. Mais il me semble qu'on peut bien te parler de cette dame, puisque tu portes ses couleurs. Que veux-tu dire? Ah, mais cette écharpe. Ce sont en effet les couleurs de Lucrèce Borgia. C'est Fiametta qui me l'a envoyé. Tu crois, Lucrèce l'a fait dire. Mais c'est Lucrèce qui l'a brodé de ses propres mains pour toi. En es-tu sûr? Par qui le sais-tu? Par ton valet qui t'a remis l'écharpe et qu'elle a gagnée. Ah, cette femme est belle. Pourtant... Oui, mais il y a quelque chose de sinistre en point sur sa beauté. Oui, c'est un ducador à l'effigie de Satan. Ah! Maudite soit cette Lucrèce Borgia. Dites qu'elle m'aime, cette femme, et bien tant mieux. Que ce soit son châtiment, elle me fait horreur. Oui, elle me fait horreur. Tu sais, mafio, cela est toujours ainsi. Il n'a pas moyen d'être indifférent pour une femme qui nous aime. Il faut l'aimer ou la haïr. Mais comment aimer celle-là? Il arrive aussi que plus on est persécuté par l'amour de ces sortes de femmes, plus on les hait. Celle-ci m'obsède, me hante. Depuis cette nuit, vous m'avez dit son nom d'une façon si éclatante. Vous ne sauriez croire à quel point la pensée de cette femme m'est odieuse. Autrefois, je ne voyais Lucrèce Borgia que de loin, à travers mille intervalles, comme le spectre de tout le monde. Maintenant, ce spectre est mon spectre à moi. Il vient s'asseoir à mon chevet, il m'aime, ce spectre. Par ma mère, c'est épouvantable. Ah, mafio, elle a tué monsieur de Gravina. Elle a tué ton frère. Eh bien, ton frère, je le remplacerai près de toi. Et je le vengerai près d'elle. Voilà donc son exécrable palais. Palais de l'assassinat, palais de l'adultère, palais de l'inceste, palais de tous les crimes, palais de Lucrèce Borgia. Oh, la marque d'infamie que je ne puis lui mettre au front à cette femme. Je vais la mettre aux mains au front de son palais. Gennaro! Gennaro! Cette lettre de moi au nom de Madame Lucrèce, c'est ta tête de moi sur tes épaules! La première Gennaro, lettre du mot Borgia. Qui fera mettre demain la moitié de la ville à la question? Je cherche le coupable, je me présenterai. Mafio Tana. Messieurs, bien de la joie cette nuit! Maintenant, le second acte. Une salle du palais ducal de Ferrare. Costiguel, soit le fauteuil ducal. Mes ordres ont-ils été exécutés? Oui, monseigneur. J'en attends d'autres. Prends cette clé. Va jusqu'à la galerie de Numa. Tu compteras tous les panneaux de la boiserie à partir de la grande figure peinte qui est près de la porte. Arrivé au 23e panneau, tu apercevras une petite ouverture dissimulée dans la gueule d'une chimère dorée. Introduis la clé dans cette ouverture. Le panneau tournera sur ses gonds comme une porte. Dans l'armoire secrète qu'il renferme, tu verras sur un plateau un flacon d'or et un flacon d'argent avec deux coupes en émail. Dans le flacon d'argent, il y a de l'eau pure. Dans le flacon d'or, il y a du vin préparé. Tu apporteras le plateau sans y rien toucher dans le cabinet voisin de cette chambre, Rustighello. Et si tu as jamais entendu des gens dont les dents claquaient de terreur parler de ce fameux poison des Borgia, qui en poudre est blanc et scintillant comme de la poussière de marbre de Carrare, et qui, mélangé au vin, change du vin de Romorantin en vin de Syracuse, tu te garderas de toucher au flacon d'or. Est-ce là tout, monseigneur? Non. Tu prendras ta meilleure épée. Et tu te tiendras debout derrière cette porte, de manière à entendre tout ce qui se passera ici et à intervenir au premier signal que je te donnerai avec cette clochette d'argent dont tu connais le son. Si j'appelle simplement Rustighello, tu entreras avec le plateau. Si je secoue la clochette, tu entreras avec l'épée. Il suffit, monseigneur. Tu tiendras ton épée nue à la main afin de n'avoir pas la peine de la tirer. Bien. Rustighello, tu prendras deux épées. Une peut se briser. Rustighello est sorti. Madame la Duchesse demande à parler à Monseigneur le Duc. Faites entrer, madame. Monsieur, ceci est indigne, ceci est infâme. On vient de mutiler mon nom sur la façade de votre propre palais. La chose s'est faite en plein jour, publiquement, par qui je l'ignore. Mais c'est bien injurieux et bien téméraire. On fait de mon nom un écriteau d'ignominie, et votre populace de Ferrare, qui est bien la plus infâme populace d'Italie, et la chéricane autour de mon blason, comme autour d'un pilori. Je commence à me lasser, monseigneur, et je vous trouve l'air trop gracieux et trop tranquille. C'est sérieux ce qui arrive là, voyez-vous. Qui épouse, protège. Qui donne la main, donne le bras. J'y compte. Est-ce que cette boue ne vous éclabousse pas, non, Alphonse? Sur mon âme, courroucez-vous donc un peu. Je vous ai apporté en d'autres siennes, Rimini, Spolette, Piombino, et plus de villes que vous n'aviez de châteaux, et plus de duchés que vous n'aviez de baronnies. Et je suis plus bas placé que la servante des valets de vos palefreniers. Je veux que ce crime soit puni, ou je m'en plaindrai au pape. Je m'en plaindrai au Valentinois, qui est à Forlì avec 15 000 hommes de guerre. Je veux un exemple. C'est un crime de lèse-majesté. Madame, le crime dont vous vous plaignez m'est connu. Comment, le crime vous est connu et le criminel n'est pas découvert? Le criminel est découvert. Il est découvert et il n'est pas encore puni? Il va l'être. Je voulais d'abord avoir votre avis sur le châtiment. Et vous avez bien fait, monseigneur. Où est-il? Ici même. Ah, il est ici. Je veux le voir. C'est bien facile, Bautiste. Encore un mot, monsieur. Quel que soit cet homme, votre parole de duc couronné qu'il ne sortira pas d'ici vivant. Je vous la donne. Je vous la donne. Entendez-vous, madame? C'est bien. Amenez-le maintenant. Bautiste! Bautiste! Faites entrer le prisonnier. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait à ces gens de Ferrare pour qu'ils me persécutent ainsi? Gennaro! Est-ce que vous connaissez cet homme, madame? C'est Gennaro. Quelle fatalité, mon Dieu! Monseigneur le duc, je suis un simple capitaine et je vous parle avec le respect qu'il convient. Votre Altesse m'a fait saisir dans mon logis ce matin. Que me peut-elle? Seigneur capitaine, un crime de lèse-majesté humaine a été commis ce matin vis-à-vis la maison que vous habitez. Le nom de notre bien-aimée épouse et cousine, Doña Lucrezia Borgia, a été insolemment balafré sur la face de notre palais ducal. Nous cherchons le coupable. Ça n'est pas lui. Il y a méprise, dont Alphonse, ça n'est pas ce jeune homme. Vous le savez. Mais j'en suis sûre, il est de Venise et pas de Ferrare ainsi. Qu'est-ce que cela prouve? Le fait a eu lieu ce matin et je sais qu'il a passé la matinée chez une nommée Fiametta. Non, madame. Votre Altesse est mal renseignée, vous voyez. Laissez-moi l'interroger. Seigneur capitaine, êtes-vous celui qui a commis le crime? Étouffe ici. Dis que ça n'est pas toi. Monseigneur, les pêcheurs de Calabre qui m'ont élevé et qui m'ont trempé tout jeune dans la mer pour me rendre fort et hardi m'ont enseigné cette maxime avec laquelle on peut risquer souvent sa vie, jamais son honneur. Fais ce que tu dis, dis ce que tu fais. Monseigneur, je suis l'homme que vous cherchez. Vous avez ma parole de duc couronné, madame. J'ai deux mots à vous dire en particulier, monseigneur. Les gardes se sont retirés avec le prisonnier. Que me voulez-vous, madame? Ce que je vous veux, don Alphonse, je ne veux pas que ce jeune homme meure. Oh, il n'y a qu'un instant, vous êtes entré chez moi comme la tempête. Irritée et pleurante. Vous vous êtes plainte à moi d'un outrage fait à vous. Vous m'avez demandé avec injure et cri la tête du coupable. Vous m'avez demandé ma parole ducale qu'il ne sortirait pas d'ici vivant. Je vous l'ai loyalement octroyée et maintenant vous ne voulez pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il meure, monsieur le duc. Madame, les gentils hommes aussi prouvés que moi n'ont pas coutume de laisser leur foi en garde. Vous avez ma parole, il faut que je la retire. J'ai juré que le coupable mourrait. Il mourra. Vous pouvez choisir le genre de mort. Don Alphonse! Don Alphonse. En vérité, nous disons là des folies, vous et moi. On a depuis mon enfance obéi à tous mes caprices. Ce que je voulais il y a un quart d'heure, je ne le veux plus à présent. Tenez, asseyez-vous là près de moi et causons tendrement, cordialement, comme mari et femme, comme deux bons amis. Doña Lucrezia, Vous êtes madame, et je suis trop heureux qu'il vous plaise de m'avoir un instant à vous. Comme cela est bon de s'entendre, cher Alphonse. Je vous aime comme le premier jour de notre mariage. Ah, quelle éblouissante entrée à Rome vous fîtes ce jour-là entre monsieur de Valentinois, mon frère, et monsieur le cardinal Hippolyte d'Est, le vôtre. Je vois encore votre beau cheval blanc couvert d'orfèvrerie et l'illustre mine de roi que vous aviez dessus. Vous étiez vous-même, madame, bien belle et bien rayonnante sous votre dais de brocart d'argent. Oh, monseigneur, ne me parlez pas de moi quand je vous parle de vous. Il est vrai que toutes les princesses d'Europe m'envient d'avoir épousé le meilleur chevalier de la chrétienté. Et moi, je vous aime vraiment comme à 18. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas, Alphonse ? Mais oui. Vous n'en doutez jamais, au moins. Non. Je suis froide, quelquefois, et distraite. Cela vient de mon caractère, non de mon cœur. La bonne chose de s'aimer comme nous. Donnez-moi votre main. Embrassez-moi, d'enfant. En vérité, il est ridicule qu'un prince et une princesse comme vous et moi, assis côte à côte sur le plus beau trône ducal qui soit au monde, aient manqué de se quereller pour un misérable aventurier vénitien. Qu'il aille où il voudra, ce drôle, n'est-ce pas, Alphonse ? Oh, cher Alphonse, si la couronne ducale était à donner en concours au plus beau chevalier de Ferrare, c'est encore vous qui l'auriez. Attendez que j'aille dire à Bautista qu'il est à chasser au plus vite de Ferrare, ce Gennaro. Mais rien ne presse. Oh, monsieur, laissez-moi terminer cette affaire à ma vie. Il faut que celle-ci se termine à la mienne. Mais quelle raison pour désirer la mort de cet homme ? Et la parole que je vous ai donnée, Doña Lucrèce, il y a le serment d'un roi est sacré. Cela est bon à dire au peuple. Mais de vous à moi, Don Alphonse, nous savons ce que c'est. Pourtant, Doña Lucrèce, il y a un serment. Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Avez-vous un motif d'en vouloir à ce Gennaro? Non. Eh bien, accordez-moi sa vie. Qu'est-ce que cela vous fait s'il me plaît de lui pardonner? C'est moi qui suis l'offensé. C'est justement parce qu'il vous a offensé, mon amour, que je ne peux pas lui pardonner. Mais s'il me plaît d'essayer de la clémence et me faire aimer de votre peuple, je veux que votre peuple m'aime. Soyons des souverains miséricordieux. Oh, cher Alphonse, mettez cet homme en liberté. C'est un caprice, si vous voulez, mais c'est sacré, le caprice d'une femme quand il sauve la tête d'un homme. Je ne puis, Doña Lucrezia. Vous ne pouvez ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi, mon amour ? Oui, pourquoi ? Parce que cet homme est votre amant, madame. Alphonse ! Parce que vous avez été le chercher à Venise ! Parce que vous iriez le chercher en enfer ! Parce que je vous ai fait suivre, pendant que vous le suiviez, parce que tout à l'heure encore vous le couviez de regards pleins de pleurs et pleins de flammes, parce que vous vous êtes prostituée à lui, sans aucun doute, et qu'il est temps que je venge mon honneur. Alphonse ! Ah, taisez-vous, madame, veillez sur vos amants désormais. La porte par où l'on rentre dans votre chambre de nuit, mettez-y tel huissier qui vous plaira, mais à la porte par où l'on sort, il y aura désormais un portier de ma façon, le bourreau. Monseigneur, je vous jure. Ah, ne jurez pas, les serments, cela est bon pour le peuple. Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Oh, si vous saviez. Madame, tenez, je vous et toute votre abominable famille des Borgia, et oui, vous, toute la première que j'ai si follement aimée, j'ai horreur de votre frère César, qui a tué votre frère Jean. J'ai horreur de votre mère, la Rosa Vanazza, la vieille fille de joie espagnole qui scandalise Rome après avoir scandalisé Valence. Et quant à vos neveux prétendus, les ducs de Sermonetto et de Nepi, de bons ducs, ma foi, des ducs d'hier, des ducs faits, avec des duchés volés, laissez-moi finir. J'ai horreur de votre père, qui est pape et qui a un sérail de femmes, de votre père qui peuple le bagne de personnes illustres et le sacré collège de bandits, si bien qu'en les voyant tous vêtus de rouge, cardinaux et galériens, on se demande si ce sont des cardinaux qui sont des galériens ou des galériens qui sont des cardinaux. Allez, maintenant. Au nom de Jésus et de Marie, au nom de votre père et de votre mère, accordez-moi la vie de ce capitaine. Voilà aimé, madame. Vous pourrez faire de son cadavre ce qu'il vous plaira, et je prétends que ce soit un reculeur. Grâce pour Gennaro. Si vous pouviez lire la ferme résolution qui est dans mon âme, vous n'en parleriez pas plus que s'il était déjà mort. Prenez garde à vous, Don Alphonse de Ferrare, mon quatrième mari. Ne faites pas la terrible, madame. Je ne vous crains pas. Je ne me laisserai pas empoisonner comme votre premier mari, ce pauvre gentilhomme espagnol, je ne sais plus le nom. Je ne me laisserai pas chasser comme le second, Jean Sforza, seigneur de Pesaro, cet imbécile. Je ne me laisserai pas tuer à coups de pique comme le troisième, dont Alphonse d'Aragon, pauvre enfant dont le sang n'a guère plus taché les dalles que de l'eau pure. Tout beau, madame. Moi, je suis un soldat, et je n'ai pas encore vendu comme ce pauvre roi de Naples mes bons canons d'artillerie au pape, votre Saint-Père. Vous vous repentirez de ces paroles, monsieur? Vous oubliez qui je suis? Je sais très bien qui vous êtes, mais je sais aussi où vous êtes. Vous êtes la fille du pape, mais vous n'êtes pas à Rome. Vous êtes la gouvernante de Spalette, mais vous n'êtes pas à Spalette. Vous êtes la femme, la sujette et la servante d'Alphonse, duc de Ferrare, et vous êtes à Ferrare. Ah, cela vous étonne. Vous avez peur de moi. Jusqu'à présent, c'était moi qui avais peur de vous. J'entends qu'il en soit ainsi désormais. Et pour commencer, voici le premier de vos amants sur lequel je mets la main, il mourra. Raisonnons un peu, Don Alphonse. Si cet homme est celui qui a commis envers moi le crime de lèse-majesté, il ne peut être en même temps mon amant. Et pourquoi pas, par dépit, colère, jalousie. Il est peut-être jaloux lui aussi. Mais que m'importe d'ailleurs, je veux que cet homme meure, c'est mon bon plaisir. J'ai laissé à votre Altesse le choix du genre de mort. Décidez-vous. Mon Dieu! Vous hésitez? Je vais le faire tuer dans l'antichambre à coups d'épée. Arrêtez! Aimez-vous mieux lui verser vous-même un verre de mon vin de Syracuse? Il faut qu'il meure! Pas à coups d'épée! Moyen n'importe peu, que choisissez-vous. L'or de champ. Vous aurez soin de ne pas vous tromper et de lui verser du flacon d'or que vous savez. Je serai là d'ailleurs, ne croyez pas que je vais vous laisser seul. Je ferai ce que vous voulez. Bautiste! Faites entrer le prisonnier. Vous êtes un homme affreux, monseigneur. Qu'est-ce que j'entends dire, seigneur Gennaro? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Vous l'avez fait par étourderie et bravade et sans intention méchante. Que madame la duchesse vous pardonne et que d'ailleurs vous êtes un vaillant! Ah, s'il en est ainsi, vous pouvez retourner sain et sauf à la Venise. À Dieu ne plaise que je prive la magnifique République d'un bon serviteur et la chrétienté d'un brave fidèle qui tient une fidèle épée. À la bonne heure, monseigneur. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce dénouement. Et je remercie votre Altesse. La clémence est une vertu de race royale. Et Dieu fera grâce là-haut à qui aura fait grâce ici-bas. Est-ce un bon service que celui de la République? Et combien y gagnez-vous, bon an, mal an? J'ai une compagnie de 50 lances, monseigneur, que je défraie et que j'habille. La Sérénissime République, sans compter les aubaines et les épaves, me donne 2000 sequins d'or par an. Et si je vous en offrais 4000, ne prendriez-vous pas du service chez moi? Je ne pourrais. Je suis encore pour 5 ans au service de la République. Je suis lié. Comment lié? Par serment. Il paraît que ces gens-là tiennent les leurs, madame. N'en parlons plus! Je n'ai fait aucune lâcheté pour obtenir la vie sauve, mais puisque votre Altesse me la laisse, voici ce que je puis lui dire maintenant. Votre Altesse se souvient de l'assaut de Faenza il y a 2 ans. Monseigneur le duc Hercule d'Est, votre père, y courut grand péril de la part de 2 crâne-quiniers du Valentinois qu'il allait tuer. Un soldat aventurier lui sauva la vie. Oui, on n'a jamais retrouvé ce soldat. C'était moi. Bon Dieu! Oh, cela mérite récompense. N'accepteriez-vous pas cette bourse de ce cas-là? Nous faisons le serment en prenant le service de la République de ne recevoir aucun argent des souverains étrangers. Cependant, si votre Altesse le permet, je prendrai cette bourse et je la distribuerai aux braves soldats que voici. Faites! Mais alors vous boirez avec moi, suivant le vieil usage de nos ancêtres, et comme bons amis que nous sommes, un verre de mon vin de Syracuse. Volontiers, monseigneur. Et pour vous faire honneur comme à quelqu'un qui a sauvé mon père, je veux que ce soit madame la duchesse elle-même qui vous le verse. Cusigello! Pose le plateau sur la table. Bien. Madame la femme, écoutez ce que je vais dire à cet homme. Retourne te placer derrière la porte du cabinet avec ton épée nue à la main. Si tu entends le son de cette clochette, tu entreras. Va. Madame, vous verserez vous-même à boire au jeune homme et vous aurez soin de lui verser du flacon d'or que voilà. Oui. Si vous saviez ce que vous faites en ce moment et combien c'est une chose horrible, vous frémiriez tout dénaturé que vous êtes, ayez monseigneur. Ayez soin de ne pas vous tromper de flacon. Eh bien, capitaine. Je suis confus de tant de bonté, monseigneur. Madame, versez donc à boire au seigneur Gennaro. Quel âge avez-vous, capitaine? 20 ans. Le flacon d'or, madame. Ah ça, vous devez être amoureux. Qu'est-ce qui n'est pas un peu, monseigneur? Savez-vous bien, madame, que c'était une cruauté que d'enlever à la vie ce jeune homme, de l'enlever au soleil d'Italie, à l'amour, aux belles femmes que ce capitaine doit aimer, et qui doivent l'aimer aussi. Le flacon d'or, madame. Si vous évitez, je vous en ferai roustiller. Elle verse enfin à boire avec le flacon d'eau et tend la coupe à Gennaro. Pour ma mère, je vous remercie de me laisser vivre, monseigneur. À votre santé, capitaine, et vivez beaucoup d'années. Monseigneur, Dieu vous le rende. Remerciez-moi, madame. Je vous laisse tête à tête avec lui. Vous devez avoir des choses à lui dire. Vous pouvez vivre si bon vous semble avec lui son dernier quart d'heure. Adieu! Capitaine, vous pourrez retourner à Venise quand il vous plaira. Adieu! Le duc est sorti. Gennaro, vous êtes empoisonné! Empoisonné, madame. Empoisonné! J'aurais dû m'en douter, le vin étant versé par vous. Oh, m'accabez pas, Gennaro, ne m'ôtez pas le peu de force qui me reste. Écoutez-moi, le duc est jaloux, il vous croit mon amant. Il m'a laissé comme choix de voir Rustighello vous poignarder devant moi, ou de verser moi-même le poison. Un poison terrible, Gennaro. Oui, le poison des barbiens. Oui, mais ce flacon, c'est le salut. Une goutte sur vos lèvres et vous êtes sauvée. Madame, qu'est-ce qu'il dit que ce n'est pas ça, que du poison? Quoi? Écoutez, madame, je ne me méprends pas à vos semblants d'amour. Vous avez quelques sinistres desseins sur moi. Votre famille doit connaître la mienne. Et peut-être n'est-ce pas de moi que désirez vous venger en empoisonnant, mais de ma mère. Votre mère, Gennaro. Vous la voyez autrement qu'elle n'est, peut-être. Que diriez-vous si elle n'était qu'une criminelle comme moi? Ne la calomniez pas! Oh non, ma mère n'est pas une femme comme vous. Vous la connaissez sans doute et vous ne me démentirez point. Non. Cette femme-là, cette mère-là, Gennaro, je ne la connais pas. Qu'est-ce que cela vous fait, à vous, les joies ou les douleurs d'une mère? Vos enfants, si vous en aviez, vous renieraient, madame. Être le fils de Lucrèce Borgia, dire ma mère à Lucrèce Borgia. Oh, Gennaro, accablez-moi, écrasez-moi sur votre mépris, mais buvez au nom du ciel. Que dois-je croire, madame? Le duc est loyal et j'ai sauvé la vie à son père. Vous, je vous ai offensé, vous avez à vous venger de moi. Moi, me venger de toi? Mais je donnerai toute ma vie pour ajouter une heure à la tienne. Oh, Gennaro, tu ne sauras jamais rien de mon misérable cœur, sinon qu'il est plein de toi. Mais le temps passe, pitié pour moi, Gennaro. Allons, c'est bien. Il y a un crime en ceci qu'il retombe sur votre tête. Après tout, que vous disiez vrai ou non, ma vie ne vaut pas la peine d'être tant disputée. Sauvé. Maintenant, il faut fuir. Tu as de l'argent? J'en ai. Attends, ce flacon... Et le toujours sur toi. Maintenant, pars juste. Attends. Pas par ici. Il s'en va là. Adieu. Gennaro. Gennaro. Je te dis adieu pour ne plus te revoir jamais. Te voir, c'était ma seule joie au monde, mais tu risquerais ta vie. Ne me diras-tu pas quelques douces paroles avant de me quitter pour l'éternité? Madame, jurez-moi par tout ce qui vous est cher, par ma propreté, puisque vous m'aimez, par le salut éternel de mon âme, jurez-moi que vos crimes ne sont pour rien dans les malheurs de ma mère. Oh non, Gennaro, non, je ne puis vous jurer cela. Alors adieu. Soyez maudite! Et toi, Gennaro, toi, Bill. D'entendre le second acte de Lucrèce Borgia, drame en trois actes et cinq tableaux de Victor Hugo. Voici maintenant le troisième et dernier acte. Gepo a la maladie de nous conter des histoires quand il a faux. L'autre jour, c'était à Venise, chez le sérénissime Doge Barbarigo. Aujourd'hui, c'est à Ferrare, chez la divine princesse Negroni. Mais l'autre jour, c'était une histoire lugubre. Aujourd'hui, c'est une histoire gaie. Une histoire gaie, Gepo. Comment il advint que Don Siliceo, beau cavalier de 30 ans, qui avait perdu son patrimoine au jeu, épousa la très riche marquise Calpurnia qui comptait 48 printemps par le corps de Bacchus. Vous trouvez cela gai? C'est comment un homme ruiné qui épouse une femme en ruine? Chose qui se voit tout d'un coup. Alors une chanson. Ah, une chanson. J'avais mauvaise idée de ton voyage. J'avais mauvaise idée de ton souper. Tu es fou. Demain, au point du jour, nous partirons ensemble. Je t'ai conté les motifs de mon départ subi. Oh, veux-tu que je te dise, Gennaro? Tu es dupe. Il n'y a dans toute cette affaire ni poison ni contre-poison. Pure comédie. La Lucrèce est amoureuse et perdue de toi. Elle a voulu te faire croire qu'elle te sauvait la vie, espérant te faire doucement glisser de la reconnaissance à l'amour. Le duc est un homme incapable d'empoisonner ou d'assassiner quelqu'un. Tu as sauvé la vie de son père, d'ailleurs, il le sait. La duchesse veut que tu pars. C'est fort bien. Son amourette se déroulerait en effet plus commodément à Venise qu'à Ferrare. Le mari la gêne toujours un peu. Monsieur le comte Orsini, vous avez là un ami qui vous paraît bien triste. Il est toujours ainsi, madame. Il faut que vous parviez de l'avoir amené sans que vous lui fissiez la grâce de l'inviter. C'est mon frère d'armes. Il m'a sauvé la vie à l'assaut de Rimini. À la table du pont Vicence, j'ai reçu un coup d'épée qui lui était destiné. Un bohémien nous a prédit que nous mourrions le même jour de la même mort. Vous a-t-il dit que ce serait le soir ou le matin? Il nous a dit que ce serait le matin. Votre bohémien ne savait ce qu'il disait. Vous aimez bien ce jeune homme? Comme un frère. Alors vous êtes heureux? L'amitié ne remplit pas tout le cœur, madame. Mon Dieu, qu'est-ce qui remplit? Mais l'amour. Vous avez toujours l'amour à la bouche. Et vous dans les yeux? Êtes-vous singulier? Êtes-vous belle? Monsieur le comte, laissez-moi. Moi, baiser sur votre main. Non. Vos affaires sont en bon train auprès de la princesse. Elle me dit toujours non. Dans la bouche d'une femme, non n'est que le frère aîné de oui. Comment trouves-tu, madame la princesse Mégrenille? Moi, adorable. Entre nous, elle commence à m'égratigner furieusement le cœur. Et sans souper? Une orgie parfaite. La princesse est veuve. Cela se voit à sa gaieté. J'espère que tu ne te défies plus de son souper. Moi, comment donc? Mais j'étais fou. Monsieur de Belvéral, vous ne croiriez pas que Mafio avait peur de venir souper chez la princesse? Peur? Mais pourquoi? Parce que le palais Mégrenille touche au palais Borgia. Oh, diable, les Borgia et du vent. Ce que j'aime dans ce Belvérana, c'est qu'il n'aime pas les Borgia. Et en effet, il ne manque jamais une occasion de les envoyer au diable avec une grâce toute particulière. Cependant, mon cher Gepo, eh bien, je l'observe depuis le commencement du souper, ce prétendu espagnol. Il n'a encore bu que de l'eau. Oh, voilà tes soupçons qui te reprennent. Mon bon ami Mafio, tu as le vin étrangement malotone. Tu as raison, je suis fou. Savez-vous, monsieur Mafio, que vous êtes taillé pour vivre 90 ans et que vous ressemblez à mien grand-père. Un mien grand-père qui a vécu cet âge et qui s'appelait comme moi Gil Basilio Fernani Reneo Felipe Frasco Frasquito Conte de J'espère que tu ne te doutes plus de sa qualité d'espagnol. Il a au moins 20 noms de baptême. Quelle litanie, monsieur le Belvéral. C'est nos parents coutumes de nous donner plus de noms à notre baptême que d'écus à notre mariage. Il faut pourtant que les femmes aient un prétexte pour s'en aller, commentaire. Hercule, messieurs, je n'ai jamais passé une soirée plus délicieuse. Ah, mesdames, mesdames, goûtez de ce vin. Il est plus doux que du vin de la Christi, plus ardent que du vin de Chypre. C'est du vin de Syracuse, messieurs. Non, est ivre, à ce qu'il paraît. Ah, mesdames, il faut que je glisse quelques verres. Oui, oui, non, non, non, non, non, non, non, rien. Je voudrais être plus poète que je ne suis pour célébrer une aussi admirable feste. Mais moi, je voudrais être plus riche que je n'ai l'honneur de l'être pour en donner de pareil à mes amis. Rien n'est si doux que de chanter une belle femme et un bon repas. Mais si je vais d'embrasser l'une et de manger l'autre. Oui, je voudrais être poète. Je voudrais m'élever au ciel. Je voudrais avoir deux ailes. Oh. De présent dans votre assiette. Puis-je pendant vous lire mon sonnet? Par le diable, monsieur le marquis, alors faire nos vies de vous dispense de nous dire votre sonnet, laissez-nous voir. Mais oui, vous dispensez de vous lire mon sonnet? Comme je dispense les chiens de me mordre, le pape de me bénir et les passants de me jeter des pierres. Vous m'insultez, je crois, monsieur le petit espagnol. Je ne vous insulte pas, grand colosse d'italien que vous êtes. Je refuse mon attention à votre sommaire, rien de plus. Mon gosier a plus soif de vin de Chypre que mes oreilles de poésie. Mais vos oreilles, monsieur le Castillon, râpées, les clouées sur les talons. Vous êtes un absurde belitre, fée. A-t-on jamais vu lourdeau pareil s'enivrer de vin de Syracuse et avoir l'air de s'être saoulé avec de la bière? Oui, mais savez-vous bien que je vous couperai en quatre par la mort à Dieu. Vous n'en direz pas autant, je ne découpe pas d'aussi grosses volailles. Par Dieu, j'ai votre respect. Qu'a fut-il plus gentil qu'homme que l'empereur? Ne défonce pas! Dieu! Messieurs, ici, m'entend Dieu, mon cher poète, que vous avez mis ces dames en fuite. Vous êtes un fier maladroit. C'est vrai, cela, que diable sont-elles devenues? Elles sont occupées. Elles vont revenir. Et je t'en prendrai une main, mon petit Belvérana du démon. Tant qu'il vous plaira, c'est un imbécile. Mettre en déroute les plus jolies femmes de Ferrare avec un couteau emmanché dans un sonnet, se fâcher à propos de verre. Je le crois bien qu'il a des ailes, ce n'est pas un homme, c'est un oison. Cela perce, cela doit dormir sur une patte, c'est l'Oferno-là. La fête, la paix, messieurs. Vous couperez galamment la gorge demain matin. Par Jupiter, vous battrez du moins avec des épées, non avec des couteaux. Vous faites, qu'avons-nous fait de nos épées? Vous oubliez qu'on nous les a fait quitter dans l'antichambre. La précaution était bonne, autrement nous nous serions battus devant les dames. Bonne précaution, en effet. Par Dieu, frère Gennaro, voilà la première parole que tu dis depuis le commencement du souper. Et tu ne dois pas. Est-ce que tu songes encore à Lucrèce Borgia? Ouais, Gennaro, tu as décidément quelque amourette avec elle. Oh, ne dis pas non. Laisse-moi voir, Mafio. Ah. Je n'abandonne pas plus mes amis à table qu'au feu. Mais seigneur, du vin de Chypre ou du vin de Syracuse? Oh, du vin de Syracuse. Syracuse, c'est le meilleur. Ah, mais la peste soit mon enfer. Est-ce que ces dames ne vont pas revenir? Messieurs. Les portes sont fermées en dehors. N'allez-vous pas avoir peur à votre tour, Gepo? Elles ne veulent pas que nous les poursuivions, c'est tout simple. Buvons, mes seigneurs. Buvons. À ta santé, Gennaro. À ta santé, Mafio. Pour le coup, Gepo, je l'ai bien vu. Quoi? L'Espagnol ne l'a pas vu. Eh bien? Il a acheté son vin par-dessus son épaule. Oh, il est ivre et toi aussi. Une chanson à boire. Non. Ah, messieurs, devez-vous chanter une chanson à boire. Et qui vaudra mieux que le sonnet du marquis Lofernon. Dire par le bon vieux crâne de mon père que ce n'est pas moi qui ai fait cette chanson. Oh, attendu que je ne suis pas poète et que je n'ai pas l'esprit assez galant pour faire specter de rimes au bout d'une idée. Ah, voici ma chanson. Elle est dédiée à Monsieur Saint-Pierre, célèbre portier du paradis, et elle a pour sujet cette pensée délicate que le ciel du bon Dieu appartient au buveur. Ah, il est plus qu'ivre, il est ivre. La chanson. Saint-Pierre, ouvre ta porte au buveur qui t'apporte une voix claire et forte pour chanter Domino. Gloria Domino, Gloria Domino. Ô buveur joyeux chanvre qui porte un si gros ventre qu'on doute quand il entre s'il est homme ou tonneau. Gloria Domino. Écoutez, messieurs, Corbac, pendant que nous chantons à boire les cochons de vêtres. Oui, mais écoutons. Plein chant ou plus. Et quelques processions qui passent. À minuit, c'est un peu tard. Va continuer, monsieur de Belverane. Bayard, c'est moi. Nous voici tout à l'heure dans l'obscurité. Se rapproche. La procession me fait l'effet d'être en ce moment sous nos fenêtres. Ce sont les prières des morts. Bah, c'est quel enterrement! Buvons à la santé de celui qu'on a enterré. Savez-vous s'il n'y en a pas plusieurs? Eh bien, à la santé de tous! Bravo! Et continuons de notre côté notre invocation à Saint-Pierre. Parlez donc plus poliment. On dit à Monsieur Saint-Pierre, honorable huissier et guichetier patenté du paradis. Si les saints ont des trognes, ton ciel est aussi brogne, qui n'ont d'autre besogne que de boire aux chansons. Que de boire aux chansons, que de boire aux chansons. La mer de Cocagne qui baigne ta campagne et fait en vin d'Espagne changer nous en poissons. Changer chanson. Par la porte de droite entre des pénitents, cagoule en tête. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une plaisanterie. Je gage mon cheval contre un pourceau. Et mon nom de Liveretto contre celui de Borgia. Que ce sont nos charmantes comtesses qui sont déguisées de cette façon pour nous éprouver. Et que si nous levons une de ces cagoules au hasard, nous trouverons dessous la figure fraîche et malicieuse d'une jolie femme. Oui. Veuillez plutôt. Soulève la cagoule. Je ne sais pourquoi mon sang se fiche dans mes veines. Un visage d'homme est apparu. Pourquoi sa vie, capitaine, il est roi du monde. Quel piège affreux. Nos épées. Nos épées. Pour ça, messieurs, nous sommes chez le démon ici. Vous êtes chez moi. Grâce Borgia. Vous me regardez avec vos yeux fixes de terreur. C'est bien moi, messieurs. Vous êtes tous empoisonnés. Il n'y en a pas un de vous qui ait encore une heure à vivre. Ne bougez pas. La salle d'à côté est pleine de piques. À mon tour, maintenant. À moi de parler haut. Geppo Liveretto. Va rejoindre ton oncle Vitelli, que j'ai fait poignarder dans les caves du Vatican. Ascanio, va retrouver ton cousin que j'ai assassiné pour lui voler sa ville. Mafio Orsini, va parler de moi dans l'autre monde à ton frère de Gravina, que j'ai fait étrangler dans son sommeil. Oloferno, ton oncle t'attend. Tu sais bien, Iago Dapiani, que j'ai empoisonné dans une fête. Apostolo, j'ai fait décapiter ton père. J'ai fait égorger ton cousin Alphonse d'Aragon, dis-tu? Va les rejoindre. Vous m'avez offert un bal à Venise. Je vous rends un souper à Ferrare. Fête pour fête, mes seigneurs. Mafio. Ah, mes jeunes amis du carnaval dernier. Je me venge. Qu'en dites-vous? Ceci n'est point mal pour une femme. Mes pères, emmenez-les, confessez-les, messieurs, que ceux d'entre vous qui ont une âme y avisent. Et si j'ai eu soin de vos âmes, j'ai eu aussi soin de vos corps. Regardez! Écartez-vous un peu, mes pères, que ces messieurs voient! Les pères s'écartent. Le comte y est! Il y a des cercueils. Il y en a bien cinq! Ah, jeunes gens, vous arrachez les entrailles à une malheureuse femme! Et vous croyez qu'elle ne se vengera pas? Voici le tien, Tipo. Mafio, voici le tien. Oloferno, Apostolo, Ascanio, voici les vôtres. Il en faut un sixième, madame. Gennaro. Lui-même. Sortez tous. Qu'on nous laisse seuls. Gubetta, quoi qu'il arrive, que personne n'entre ici. Suffit. Gennaro, comment êtes-vous mêlé à ceci? Je me doutais de tout. Et vous allez mourir. Si je veux, je le compte au poisson. Dieu soit loué. Un mot, madame. Y a-t-il assez d'élixir dans cette fiole pour sauver les gentilshommes que vos moines viennent d'entraîner dans ce tombeau? Non, Gennaro. Mais buvez au nom du ciel! Il faut vivre, Gennaro! C'est-à-dire que vous allez mourir, madame. Que dites-vous? Je dis que vous venez d'empoisonner traîtreusement cinq gentilshommes, mes amis, mes meilleurs amis par le ciel, ni parmi eux Mafio Orsini, mon frère d'armes. Je dis que c'est une action infâme que vous avez faite là, qu'il faut que je venge Mafio et les autres, et que vous allez mourir! Gennaro! Faites votre prière! Et faites la courte, madame! Gennaro, me tuez! Mais c'est impossible! Je jure Dieu qu'à votre place, je me mettrai à prier en silence, à main jointe et à deux genoux! Non, non, non, c'est impossible! Eh bien, Bien, vous levez le couteau. Oh, Gennaro, je voudrais vous dire... Vite! Jette ton couteau, malheureux, jette-le! Gennaro, sais-tu qui tu es? Le même sang coule dans nos veines. Tu as eu pour père Jean Borgia, duc de Gandia! Quoi? Je suis un Borgia? Ah, c'est ma mère, cette infortunée duchesse de Gandia, que tous les Borgias ont rendu si malheureuse. Ma mère me parle de vous dans ses lettres. Vous êtes du nombre de ses parents dénaturés, dont elle m'entretient avec horreur, et qui ont tué mon père. Ah, je suis un Borgia! Ah, cela me rend fou! Il faut en finir. Recommandez votre âme à Dieu! C'est pour toi! Ne commets pas ce crime! Un crime? Sarah, c'est un crime! Eh bien, quand je commettrai un crime, par Dieu, je suis un Borgia, moi! À genoux, vous dites! Je vais appeler, je vais crier! Vous ne passerez pas! Vous ne ferez point un pas! Et quant à vos cris, il ne peut vous sauver! Ne venez-vous pas d'entendre vous-même que personne n'entrait ici, quoi qu'on puisse entendre dehors! C'est lâche! Tuer une femme sans défense! Mais écoute-moi! Mourir de ta main! Mais c'est impossible! Mais tu ne sais pas à quel point c'est horrible! Qu'avez-vous fait, ma mère? Attends! Oh mon Dieu, je ne puis tout te dire! Encore un instant! Veux-tu que je prenne le voile, dis? Veux-tu que je m'enferme dans un cloître? Si je priais Dieu nuit et jour, aurais-tu le cœur de me repousser? Ah! Grâce! Ne me tue pas, mon Gennaro! Un peu de pitié! Grâce de la vie! Mais ce serait un crime affreux, un assassinat! Mais tu ne voudras pas! Tu ne voudras pas! Madame! Oh, j'ai ma grâce! Oh, je le vois bien! Laisse-moi pleurer à tes pieds! Gennaro! Tu m'appelles? Mon frère! Gennaro! C'est Mafio! N'écoute plus rien. Parricide, empoisonneuse, adultère. Oh, non. Pardon. Non. Oh, du ciel. Non. Ah. Tu m'as tué. Gennaro. Je suis ta mère. Française vient de vous présenter en transmission différée la diffusion du spectacle de la Comédie Française à Paris, Salle Luxembourg. Vous avez entendu Lucrèce Borgia, drame en trois actes et cinq tableaux de Victor Hugo. Orchestre et chœur sous la direction d'André Cadou, avec le concours de Mademoiselle Moisan de l'Opéra Comique. Cette pièce a été interprétée avec le concours de Denis Dinès dans le rôle de Gubetta, Maurice Escande dans celui de Don Alphonse d'Este, Michel Vadet, Don Apostolo Gazella, Raoul Henri Rustighello, Louis Aymon Mafio Orsini, Marco Béard Astolfo, Jacques Ezer Oloferno Vitellozzo, André Falcon Gennaro, Jacques Morange Ascanio Petrucci, Jean Pia Jeppo Liberetto. C'est Louise Comte qui interprétait Donia Lucrezia Borgia. Claude Nollier, le rôle de la princesse Negroni, et Denise Pezzani, un page, avec les élèves du conservatoire, Tristani, Jean-Louis Le Goff et Mademoiselle Chenet. La présentation était assurée par Edmond C.